Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. .3 fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est ensemble, donc comme tous les troisièmes lundis du mois, de 19h à 20h30, retransmis le jeudi, quatrième jeudi, de 8h à 9h30. Vous pouvez éventuellement réécouter nos émissions sur le blog La jungle des luttes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également rencontrer le CSPCL lors de ses assemblées ouvertes, le premier, troisième et cinquième mercredi du mois à 20h dans les locaux de la CNT au 33 rue des Vignoles à Paris. Malheureusement, juin, juillet, août, on va avoir du mal à tenir nos assemblées, donc on vous attend dès le premier mercredi de septembre si vous le souhaitez. C'est une assemblée ouverte, donc vous pouvez venir partager vos luttes ou venir prendre des informations sur les luttes que les uns et les autres tentons de suivre. Et puis, vous pouvez aussi venir tout simplement par curiosité. Donc, en tous les cas, merci de nous écouter aujourd'hui et les autres jours. Et d'écouter FPP de manière générale. La lucha sigue. Aujourd'hui, on va être avec justement un collectif qui est en lutte contre un projet minier dans l'Allier. On sera aussi avec Barbel et Jérôme qui suivent de près Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis plus de 40 ans, presque 40 ans, pardon, de façon injuste, et nous parlerons donc également de la situation dans les communautés zapatistes, donc au Chiapas, Mexique, et en vous demandant d'être attentif à ce qui se passe, et si vous le pouvez, vous solidariser d'une façon ou d'une autre avec les zapatistes qui jusque-là nous ont souvent proposé des initiatives, nous ont souvent motivés à inventer. Bon, là, peut-être que c'est bien si on peut se mobiliser et être solidaire avec les zapatistes. La lucha sigue, on va commencer avec une petite pause musicale, comme toujours. Merci de nous écouter. C'est la jungle des luttes. En pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven, en pie de lucha ven. Aquí no hay falla, compañero, seguimos en la batalla. Y aunque caiga el peso, nunca estaremos a la distancia. Cerca, como Bush, fuera de la Casa Blanca. Cerca, como la libertad de presos en las jaulas. Es parte de nuestra vida, el enemigo no descansa. Entonces uno siempre tiene que estar en pie de lucha. En un mejor mañana estamos clavados, centrados como la cerca fronteriza a las playas de Tijuana. A un lado de los compas como una 30-30, disparando palabras como si fuera una mera metralleta de conciencia. Junto a la buscando la forma de darles enfrente la cosa posible que pueda acabar con la bestia como si fuéramos una metralleta para ser libres. No es romanticismo sino real. Tengo marcas en el cuerpo que me recuerdan de estos tiempos y al igual estuve cerca pero cerca al enemigo y tan entrado que hasta la muerte estoy dispuesto a darle un beso. Tú, en pie de lucha ven, estudiante, en pie de lucha ven, artista, en pie de lucha ven, joven, en pie de lucha ven. Tú, en pie de lucha ven, mujer, en pie de lucha ven, hombre, en pie de lucha ven, anciano, en pie de lucha ven. Tú, en pie de lucha ven, trabajadores y trabajadoras, en pie de lucha ven. Tú, en pie de lucha ven, marginados, en pie de lucha ven, explotados, en pie de lucha ven, compañeros, en pie de lucha ven, compañeras, en pie de lucha ven. La vida de la contracultura es dura, pero vivir de otra forma es una locura. Resistir para existir es de cada día. No hay medio tiempo en este tipo de vida, pero tampoco somos esclavos. Humanos somos y el tiempo ocupamos. No se trata de ver quién es el revolucionario puro, sino ponerte frente del espejo y duro. Verte bien y verte con honestidad, y ver si en verdad caminas con la humildad. Conseguirla pues según tu habilidad. Muchos hablan pero pocos son de calidad. Vamos a descifrar la matrix con la realidad. En este dato todo se trata de la cantidad. Cambiar para lo mejor hay posibilidad. No es tanto la resistencia sino la dignidad. Tú, que de lucha ven, estudiante que de lucha ven, artista que de lucha ven, joven que de lucha ven, tú que de lucha ven, mujer que de lucha ven, hombre que de lucha ven. FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on reçoit deux camarades qui nous viennent d'un collectif qui est en lutte contre une mine de lithium, un projet de mine de lithium dans l'Allier. La parole est à vous. Salut la jungle des luttes, je suis membre du collectif Stop Mine 03, un collectif qui est né entre novembre et décembre 2022 pour s'opposer à la mine de lithium qui risque d'être ouverte à Échassières, une petite commune qui se situe dans le département de l'Allier, dans le centre de la France. En octobre 2022, les habitants des alentours ont en effet appris par la radio l'existence d'Émilie, ce projet de mine souterraine à propos duquel il n'y a eu aucune consultation, juste de simples réunions d'information durant lesquelles les représentants d'Imerys, la multinationale française en charge du projet, sont restés très flous quant à la manière dont ils comptaient extraire le minerai. Il est à noter que les élus, parfois très informés des avancements du projet, se sont bien gardés de communiquer ce qu'ils savaient à ce propos. Alors très vite, on s'est rencontrés et on a décidé de former un collectif. Et c'est ainsi que StopMine 03 est né, collectif qui a pour objectif de lutter contre l'industrie minière. On a beaucoup discuté sur ce nom de StopMine 03, mais l'idée c'était d'afficher notre volonté de nous inscrire dans un réseau national, les collectifs StopMine, et international avec le Mexique, l'Équateur, l'Argentine, etc., réseau qui fut créé en 2013 lorsque Arnaud Montebourg décidait de relancer l'industrie minière en France. Il s'agit pour nous de nous rattacher aux associations du même nom dans d'autres coins de la France, notamment en Bretagne, dans la Creuse, dans la Sarthe, en Ariège, etc. D'ailleurs, on a reçu le soutien de StopMine 23 en Creuse, qui nous a aidés à monter le collectif, mais aussi le soutien de Protégeons la forêt des Colettes, qui avait lutté contre un projet éolien qui risquait de raser cette forêt qui se situe à côté des Chassières. Alors, on a beaucoup discuté au début sur le fait de former une association de loi 1901 parce que cela nous permettait d'avoir accès à un certain nombre de documents administratifs qui contiennent de précieuses informations sur le projet. En même temps, cela impliquait d'avoir un président, donc de rentrer dans des logiques et des dynamiques verticales. Et finalement, on a décidé d'être une association collégiale, donc pas de lien hiérarchique entre les membres. Et à vrai dire, on fonctionne plutôt comme un collectif avec des pratiques assez horizontales, le statut d'association étant finalement à visée utilitaire. Alors on a sans doute perdu beaucoup de temps avec ces discussions, mais il me semble qu'au fond, cela valait la peine de bien poser les bases pour éviter que certains prennent l'ascendant sur d'autres, ce qui souvent est le risque dans un collectif. À part les réunions, on a tracté sur les marchés avec notre banderole flambant neuve et on a organisé une journée mémorable le 6 mai à Échassières où près de 300 personnes se sont réunies pour s'informer du projet. Durant tous ces mois, on a aussi fait pas mal de recherches et ce qu'on a trouvé n'était pas très joli. L'industrie minière, c'est en effet une activité les plus destructrices de l'environnement. Elle pollue les rivières et les sols, et elle consomme des quantités faramineuses d'eau. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir ce que Imerys fait au nord du Brésil, région dans laquelle elle extrait du kaolin. En 2007, après la rupture d'un bassin de résidus, ce sont 2000 mètres cubes d'eau chargés en kaolin qui ont été déversés dans la rivière de Barcarena, une ville industrielle qui se situe à 20 km de Belém, la capitale du Pará. Entre 2007 et aujourd'hui, de nombreux incidents du même type ont eu lieu, notamment en 2021, avec l'explosion d'un dépôt de substances chimiques dans lequel était stocké de l'hydrosulfite de sodium. Alors, il faut savoir que pour toutes ces raisons, plusieurs actions en justice ont été entreprises par le ministère public fédéral du Pará, et donc ça a donné lieu à des condamnations. Alors, du coup, ça présage rien de bon quant à ce qui va se passer du côté de Échassière. Et en bon internationaliste que nous sommes, on dénonce les agissements de cette compagnie au Brésil et dans d'autres pays du monde. Notre mot d'ordre, c'est ni ici ni ailleurs. On refuse aussi tout le bullshit, le greenwashing qu'il y a autour de la transition écologique, notamment du passage de la voiture à essence à la voiture électrique et ses batteries au lithium. L'électricité... en effet, elle doit bien venir de quelque part, que ça soit des centrales à charbon ou du nucléaire, ce qui au fond est la même chose. En outre, la transition, on considère que c'est un concept bidon. On nous dit qu'on va passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais historiquement, on sait très bien que la transition, ça n'a jamais été la substitution d'une énergie par une autre, c'est plutôt l'addition des énergies qui s'empilent les unes sur les autres, et donc il y aura du renouvelable certes, mais toujours plus de charbon, toujours plus de pétrole, et toujours plus de nucléaire. Du coup, on a l'impression que cette transition, c'est plutôt un capitalisme chancelant qui essaye de muter tout en restant le même, c'est-à-dire une machine de mort qui repose sur la production infinie de valeur. Alors il me semble que pour beaucoup de gens du collectif, c'est aussi cela contre quoi on lutte. Contre un capitalisme mortifère qui dévaste la terre que nous habitons, contre une poignée de capitalistes et de décideurs qui s'accommodent au fond fort bien de l'idée qu'ils pourront vivre sur les ruines du capitalisme et qu'ils pourront s'envoyer en l'air sur la Lune ou sur Mars. À titre personnel, et là vraiment cela n'engage que moi, je lutte aussi contre l'État qui, loin d'être un simple instrument qu'on pourrait récupérer pour assurer la transition et pour freiner le capitalisme, a historiquement contribué et continue de contribuer à broyer le territoire sur lequel il exerce sa domination. Donc contre ces machines de mort, le collectif StopMine 03 défend ce territoire auquel nous sommes attachés de diverses manières, certains parce qu'ils y vivent depuis tout petit, d'autres parce que le hasard de la vie les a menés jusqu'ici, d'autres parce qu'ils y ont leur famille. Un grand merci et on va faire une petite pause musicale avant de reprendre. El pueblo se defiende. Bolivia y la consulta popular. Que se respete la democracia y la consulta popular. Porque la vida es un tesoro. FPP 106.3, la jungle des luttes. On continue l'émission avec les deux camarades qui nous viennent d'un collectif en lutte contre une mine de lithium dans l'Allier. Et on va continuer, après avoir entendu une première personne nous parler de cette lutte, on va continuer avec Cécile. À toi. Bonjour la jungle des luttes, je m'appelle Cécile, j'ai 40 ans et je suis maman de deux jeunes enfants. Je fais partie de ces gens qui ont décidé de s'installer à la campagne pour élever les enfants au grand air et expérimenter des modes de vie plus simples. Avec mon mari, on s'est installé il y a quelques années sur la Bosse en Combrailles bourbonnaise, très proche des Chassières. Ici, c'est simple, on est loin de la frénésie des grandes villes. C'est la nature et c'est paisible. La Bosse, c'est un massif forestier de 3000 hectares, connu pour sa hêtraie exceptionnelle qui s'appelle la forêt des Colettes. Une partie de la forêt est classée Natura 2000 et elle déborde de biodiversité. C'est un territoire rural qui vit d'élevage et de tourisme raisonné. Comme tous les habitants, nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre par voie de presse le projet d'extraction de lithium à la Bosse, au sein de notre belle forêt des Colettes. La plus grosse mine de lithium d'Europe qui sera en mesure de produire du lithium pour équiper 700 000 berlines électriques par an. Waouh ! Imerys, en bon communicant, nous vend un projet de mine moderne, de mine responsable, au service de la lutte contre le réchauffement climatique, au service de la souveraineté nationale. Imerys nous promet plus de 1000 emplois directs et indirects dans un territoire en grande souffrance économique. Imerys tente de banaliser ce projet en s'appuyant sur l'argument que le site est déjà occupé par une carrière de kaolin. Il laisse entendre que ce n'est qu'une exploitation de plus et minimise les impacts sur l'environnement. Bien entendu, quand on n'est pas informé, ni sur la réalité minière, ni sur la réalité de ce modèle de transition énergétique qu'on nous impose, ni sur les méthodes de communication des grands groupes industriels, eh bien, Imerys, on serait tenté de leur donner le bon Dieu sans confession. Or, nos connaissances font qu'on sait à peu près ce que c'est la réalité minière et les impacts sur l'environnement. C'est une industrie prédatrice et polluante. C'est une industrie au service de la société de consommation et du toujours plus. Elle concentre décidément tous les vices. Mon mari et moi décidons instantanément de rejoindre la lutte. Nous nous joignons au collectif Préservons la forêt des Colettes et participons à la création du collectif Stop Mine 03. Nous entamons tous ensemble des recherches, des travaux, nous contactons des professionnels et tout ça nous permet de confirmer et objectiver nos inquiétudes quant aux impacts durables sur l'eau, sur la forêt, mais aussi sur nos conditions de vie. Le projet d'Imerys est sans commune mesure avec la carrière actuellement en exploitation, tant en termes de volume de roches extraites que de complexité et de dangerosité du process. Le projet est tout bonnement gigantesque. Le lithium est prisonnier de la structure cristalline du granit et plus particulièrement du mica. Le lithium métal ne représente que 0,5% en concentration de la roche. Du coup, pour faire 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an, Imerys va devoir abattre près de 2 millions de tonnes de roches par an, ce qui représente une piscine olympique de roches tous les jours, 365 jours dans l'année. Et au bout de 25 ans, on aura sorti du sol une sphère qui fera plus de 340 mètres de diamètre. Le projet d'Imerys est plus de 30 à 40 fois plus intense que l'activité que nous connaissons actuellement sur la carrière. Mais le process est également beaucoup plus complexe et impactant. En fait, il n'a juste rien à voir. Récupérer le lithium, ce n'est pas juste abattre et concasser de la roche. Il va falloir aller chercher les atomes de lithium au fin fond de la structure cristalline du mica. C'est tout un process de concassage de la roche, broyage plus fin que de la farine, concentration et raffinage par hydropyrométallurgie extrêmement complexe, nécessitant des grandes quantités d'eau, de grandes quantités d'énergie et de grandes quantités de réactifs chimiques puissants, dont la plupart sont hautement toxiques pour toute forme de vie. Mais parlons un peu des impacts. Bien entendu, il y aura du bruit, des vibrations, des poussières, de l'artificialisation des sols avec abattage de la forêt pour accueillir toutes ces installations monumentales, de la suractivité que notre territoire extrêmement paisible ne connaît pas. Mais regardons surtout de plus près les impacts sur l'eau et les sols. L'eau, c'est de toute façon toujours la première victime de la mine. Le milieu le plus affecté par l'industrie minérale, quel que soit le pays considéré, quelle que soit la substance exploitée, c'est l'eau. et les impacts sur l'eau affecteront les eaux de surface, les nappes phréatiques, les sols et la biodiversité, bien au-delà de l'emprise de la mine. Et quand je dis bien au-delà, c'est géographiquement, mais aussi dans le temps. Et cela ne fera pas exception à la Beauce. Il y a deux grandes sortes d'impacts sur l'eau. Tout d'abord sur la quantité. Le process industriel requiert des quantités monumentales d'eau, plusieurs millions de mètres cubes par an. Or le territoire, comme beaucoup d'autres lieux en France, est en stress hydrique majeur. Où est-ce qu'elle sera prélevée? Et au détriment de qui? Par ailleurs, la mine va modifier les écoulements naturels de l'eau dans le sol, ce qui menace d'assèchement d'importantes zones forestières ainsi que les sources et les puits autour du site. Mais l'impact le plus important est probablement l'impact sur la qualité de l'eau. Tout d'abord, toutes les eaux utilisées dans le process industriel, qui seront chargées en produits chimiques et en métaux lourds, devront être traitées avant d'être restituées dans le milieu naturel. Mais est-ce simplement possible, vu la complexité et la quantité à traiter? Mais finalement, le phénomène le plus critique, et qui se rencontre sur tous les sites miniers, qui est même la hantise des industriels de la mine, c'est la lixiviation, ou le drainage minier acide. C'est assez simple à comprendre. Si le lithium métal ne représente que 0,5% de la roche, alors 99,5% du granit qui aura été pulvérisé plus fin que de la farine, qui aura été mélangé à tout un tas de réactifs chimiques, et bien finalement, ce sera du déchet, et un déchet hautement toxique, naturellement chargé en métaux lourds. Et tout ça sera stocké sous forme de boue toxique, définitivement, sur le dit site de la Beauce. Dès lors, à chaque fois qu'il va pleuvoir, l'eau de pluie va percoler à travers ces résidus, se transformer au contact de la roche en acide et entraîner dans le sol toutes sortes de polluants comme les métaux lourds et les réactifs chimiques, polluant ainsi irrémédiablement les eaux souterraines, les nappes, les sources, les ruisseaux, et ceci pour des décennies voire des siècles. Cette mine est une menace majeure pour la forêt, mais aussi pour les agriculteurs, les maraîchers, la population locale. Une menace qui s'ajoute aux pénuries que nous connaissons déjà et qui vont s'aggraver. Et tout cela au service d'un modèle de transition auquel nous ne croyons pas. Nous continuerons notre combat aussi longtemps que nécessaire. On compte sur vous. Un grand merci à tous les deux. Force et rage contre cette mine de lithium dans l'Allier et en espérant que votre lutte soit victorieuse. On va faire une petite pause musicale avant de passer à une autre cause. Celle de Georges Abdallah est prisonnier politique depuis presque 40 ans. Voilà, et la lutte pour sa libération. À tout de suite après la pause. Musique. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, camarades, ne peut pas nous laisser indifférents. Depuis plus d'une soixantaine d'années, et avec quel héroïsme et quelle obstination, les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes font face à l'une des dernières entités de colonisation de peuplement. Faisons confiance aux masses populaires et à leurs diverses expressions de lutte, qui, comme nous le voyons aujourd'hui, s'affirment de plus en plus avec l'aggravation de la crise un peu partout dans le monde, du Moyen-Orient à l'Afrique et au Sud-Est asiatique, de l'Europe aux Antilles et à l'Amérique du Sud. Depuis quand défendre sa terre c'est mal? Depuis quand être de gauche empêche les postures coloniales? Rien à foutre de ton drapeau colon. Comme dirait Fanon, y'a que la violence qui te ramène à la raison. Qui détruit les maisons, bombarde des villes, bombe au phosphore contre lance-pierre à billes. Qui pratique l'apartheid envers arabes et falacha? Citoyens de seconde zone de Tel Aviv à Ramallah. Démocratie raciste, rempart de l'Occident. Depuis quand les persécutés sont devenus blancs? J'entends Gaza, les bombardements. J'attends Israël, une bombe à retardement. Décolonisons, il ne peut en être autrement. Depuis quand les opprimés se rebellent gentiment? Quant à Georges Abdallah ou aux frères Camara, 30 ans, 15 et 12 ans pour une vengeance d'État. Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance, Kassam, Pierre, Intifada. J'écris que mon liberté, liberta, roulega. Je suis le sang répandu sur les champs d'oliviers. Un point levé, des années de dignité. La Nakba plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra. 31 ans d'enfermement, ça suffit pas. Apparemment, c'est pas assez comme châtiment. Chantage au reniement, prison loin du Liban. Prisonnier politique, je suis un résistant. Ils te disent, t'es obsédé par la Palestine. C'est bizarre, c'est tordu, forcément c'est confus. Sous-entendre que t'es antisémite, mais comme Gaza, je ne m'avouerai jamais vaincu. 500 enfants massacrés, ça suffit pas. C'est passé, la résistance ne faiblit pas. Encore combien d'années après faire payer pour l'Occident les pogroms et ces millions de décès. La paix négociée sur les cadavres et la raison. Boycott l'apartheid et la colonisation. Il le crée le choc des civilisations. De la Knesset au Capitole, c'est la parole des faucons. Je suis Georges Abdallah, le peuple qui gueule à Ramallah. En Cisjordanie, je marche en bande comme à Gaza. Résistance Kassam, Pierre Intifada. J'écris que mon liberté, liberta roulia. Je suis le sang répandu sur les champs d'olivier. Un point levé, des années de dignité. La Nakba plus durcie, on n'oublie pas. Libéré Georges Abdallah, Palestine vaincra. Face au climat délétère d'oppression et des manipulations, la solidarité s'avère pour ce qu'elle est, une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. Avant l'impérialisme, ces chefs garcionistes et leurs complices réactionnaires arabes, honneur aux martyrs et aux peuples en lutte, ensemble camarades, nous vaincrons. 6.3, FPP, la jungle des luttes. Donc on est depuis Bagnolet avec Barbel et Jérôme qui sont des militants et aussi surtout des compagnons en soutien à Georges Ibrahim Abdallah. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, ceux qui militent pour les prisonniers politiques le connaissent forcément. Par contre, c'est une très très vieille histoire. Malheureusement, 40 ans qu'il est déjà emprisonné, et donc le mieux c'est de, puisque vous connaissez bien mieux l'histoire que moi, je vais vous laisser vous présenter et nous parler de ce fameux personnage militant que vous fréquentez régulièrement, puisque vous le soutenez, et donc vous allez pouvoir nous raconter toute cette aventure de lutte politique. D'accord. Merci d'être avec nous. Bon, alors, je me présente d'abord, je suis Berbel. Je me suis politisée au début des années 80 en Allemagne dans les luttes contre l'OTAN et contre le stationnement des missiles américains en Europe. Ces années 80 étaient également des années de la lutte armée pour finir avec ce système capitaliste destructeur. Il y avait plein de groupes armés qui se sont battus, entre autres la RAF, la fraction de l'armée rouge en Allemagne, Action directe en France, les brigades rouges en Italie. Et comme dans toutes ces luttes-là révolutionnaires, il y avait des prisonniers issus de ces luttes. Et c'est une évidence de soutenir les camarades qui se sont battus avec d'autres moyens, mais pour la même cause. Donc j'étais active dans le mouvement de soutien aux prisonniers de la RAF pour leur libération. Ensuite également dans le soutien pour la libération des camarades d'Action directe. Et depuis presque une vingtaine d'années maintenant aussi pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, que j'ai croisé la première fois en prison lors d'un parloir avec Jean-Marc Rouillant d'Action directe. Alors à l'époque, personne ne connaissait Georges Ibrahim Abdallah, en tout cas en Allemagne et en France, je pense pas non plus, voilà. Et actuellement, il est le plus ancien prisonnier politique en Europe. Voilà, ça fait, comme tu disais, presque 40 ans qu'il est emprisonné. Et là, pour revenir sur son histoire, je vais vous parler un peu de son histoire. Alors, il est né en 51 au nord du Liban, à Kobayat, Georges. Et ça fait maintenant 75 ans qu'a eu la Nakba, donc l'expulsion des Palestiniens de leurs terres par les colons sionistes. Et depuis ce temps-là, au Liban, il y a une forte présence palestinienne. Cette présence et la réalité révolutionnaire palestinienne a influencé la réalité dans le pays et les mouvements populaires ont commencé à se radicaliser dans les années 70. On remonte vraiment dans l'histoire. Et en réaction au courant de gauche, à cette époque, la bourgeoisie réactionnaire au Liban poussait vers la guerre civile confessionnelle. Et le combat de Georges est lié au combat révolutionnaire palestinien, au combat de la gauche révolutionnaire arabe. Donc, il s'oriente vite vers le mouvement progressiste libanais. Et en 1971, il va rentrer au FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Et après, au FPLP, Commandement Opération Spéciale à l'étranger. En 1978, Israël occupe le Liban jusqu'à la rivière Litanie. Donc c'est quand même une très grande partie du Liban du Sud. Et Georges, à l'époque, il participait au combat contre l'invasion des forces sionistes et il est blessé au sud du Liban. Et en juin 82, l'armée de l'État sioniste bombarde les camps de l'OLP à Beyrouth. Commence le siège de Beyrouth. Et avant que ça avait lieu, le chef de l'armée israélienne Sharon et le général américain Haig se sont rencontrés aux États-Unis. La guerre était une guerre portée par les Américains et les troupes d'Israël. Et il y avait 25 000 morts en 3 mois. 25 000 morts, ça va. Dans cette période, se sont créés les FARL. Donc, le nom de Georges Abdallah est lié à cette organisation armée, la fraction armée révolutionnaire libanaise, les FARL. C'était une organisation marxiste qui veut répondre par les armes à l'occupation israélienne soutenue par les États-Unis. Et les FARL revendiquent des actions en Italie, en France, à Strasbourg et aussi à Paris. Et c'était entre autres Charles Ray, un attaché militaire états-unien, quelqu'un qui travaillait pour les services secrets états-uniens, et Jacob Barsimantov, un agent du Mossad, qui ont été mis hors état de nuire. Voilà, on va le dire comme ça. Et les deux actions ont eu lieu à Paris. Et donc, ces deux actions visaient des responsables de la guerre au Liban et de la situation palestinienne. Et à ce moment-là où avaient lieu les deux actions, Beyrouth est encerclée et bombardée. Et la guerre continue. Et suite à un accord américain, l'OLP, quitte Beyrouth en août 82. Donc les forces armées de l'organisation quittent Beyrouth. Et les Américains avaient garanti la sécurité des camps palestiniens à l'époque, mais les milliers de civils palestiniens étaient sans protection armée. Et en septembre, des milices phalangistes entrent dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila. Sabra et Shatila, je pense que c'est peut-être encore les noms les plus connus pour les camps qui ont été attaqués. Et ces camps ont été encerclés par l'armée israélienne qui a contrôlé tout accès. Et au cours de 2 jours, ils tuent les phalangistes tuent des milliers de personnes. Donc Sabra et Shatila, c'était les plus connus et il y avait des massacres dans d'autres camps avant. Oui, donc Jérôme, également j'ai commencé par le soutien aux prisonniers politiques et notamment un comité de soutien pour la libération des camarades d'Action Directe. Et comme disait Berbel, Georges Abdallah était incarcéré à Lannemezan, une prison dans les Pyrénées, dans laquelle était Jean-Marc Rouillant. Donc il est devenu naturel, après qu'on nous ait rappelé qu'il y avait ce camarade enfermé, de former un collectif de soutien pour Georges. C'est vrai qu'à l'époque, Georges ne bénéficiait pas de soutien. Bon, déjà, toute la famille au Liban était quasiment interdite de séjour en France et risquait des poursuites pour des actes qu'il n'avait pas commis. Et donc, il n'y avait pas de parloir. Et en Belgique, le Secours Rouge avait commencé à sensibiliser autour de sa situation, mais c'était le seul collectif qui s'occupait de Georges. À Lannemezan, tous les ans, en février, il y avait un rassemblement pour demander la libération de Jean-Marc, comme il y avait à Bapaume, comme il y avait à Annecy-Chagne pour Georges Cipriani, Bapaume pour Nathalie Ménégon et Joël Aubron. Et donc, À un moment donné, il est devenu naturel aussi d'avoir une banderole, une délégation devant la prison pour demander, exiger, comme on dit, la libération de Georges Abdallah. Parce qu'il a été arrêté en 84, mais je ne sais pas si j'ai bien suivi exactement. Ouais, je ne sais pas si tu l'avais bien détaillé, en fait, du coup, avant. Déjà. Donc, il est arrêté en 84, et en fait, il est d'abord arrêté pour faux papier. Il a un vrai faux papier, passeport algérien, et pour détention d'armes. Ça, c'est la première inculpation. Et son procès a lieu, il est condamné à 4 ans d'emprisonnement pour ça, et durant sa première incarcération, opportunément, dans un appartement qu'il n'habitait plus puisqu'il était en tôle, les flics découvrent une arme. Et cette arme aurait servi à exécuter Bartimon de Top, je crois. Donc voilà, c'est typique du cas de Georges. C'est en permanence, il y a des éléments comme ça qui surgissent, qui viennent de nulle part et qui permettent de l'accuser. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y avait des attentats à Paris, des bombes, et il a été avéré, prouvé, démontré que ce n'était pas en lien avec Georges Abdallah et les organisations, la FARL, qui revendiquaient d'autres actions, mais c'était lié à l'Iran. Mais à l'époque, il fallait absolument trouver un coupable, et le coupable idéal, c'était Georges Ibrahim Abdallah et sa famille. Donc on se rappelle qu'à l'époque, ils ont inventé, on a vu le frère de Georges, alors que le lendemain, il faisait une déclaration à Beyrouth, mais on a vu le frère de Georges déposer la bombe devant chez Tati, au plein cœur de Paris. De la rue de Rennes. Donc il a pris un avion pour aller, je ne sais plus ce qu'ils avaient inventé, à Milan. Là, il a pris un bateau rapide, il a été à Chypre, il a été en 12 heures. Il l'avait sous la main, c'était facile. Ouais, alors que le lendemain... Donc, non, c'était impossible que ça soit les frères de Georges, ouais. Mais l'État avait besoin de coupables. Et quand on dit que Georges a toujours eu des premières, à ce moment-là, c'est la première fois qu'en France, on voit des portraits avec « nous recherchons », avec, ça devait être 1 million de francs à l'époque, et c'était les deux frères Abdallah. Et de même, donc cette arme est découverte dans un appartement, donc l'État dit « ah bon, c'est bon, on va refaire un procès pour Georges ». Et c'est là que ce procès, où les États-Unis sont partie civile, ce qui n'arrive jamais, ce procès a lieu. Et également là, c'est la première fois que ce n'est pas un juré populaire qui va juger de ce genre d'acte, mais ça sera des juges professionnels. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que, alors c'était lié aussi à l'époque, à AD, etc., mais c'est la première fois que qu'une personne sera jugée, non pas... avec un juré populaire, des gens comme vous et moi, ça sera des juges professionnels qui décideront de son sort. Et pour faire cela, il a fallu rendre la loi rétroactive, en disant, ah ben non, on a voté une loi après son arrestation, mais on va lui appliquer à lui, Georges Abdallah. Donc toujours dans les cas d'exception. À ce moment-là, le procureur dit, je ne demande que 10 ans, d'incarcération, 10 ans, pourquoi ? Parce que comme Georges avait été condamné en 4 ans et que dans les règles normales, on a très vite une libération en cours de peine, et malgré ce réquisitoire pour 10 ans, les juges le condamnent à perpétuité, avec, il n'y avait pas de peine associée, ce qui fait que la peine de sûreté est de 15 ans à ce moment-là. Georges est en prison depuis bientôt 40 ans. Il n'a pas doublé la peine de sûreté, c'est pas de 15 ans à 30 ans. Il a c'est vraiment perpétuité qu'ils ont vraiment décidé de... Et il y a même un ministre de la Justice, Urvoas, que tout le monde a oublié, mais un ministre de la Justice socialiste, c'est les socialistes, qui a dit au Sénat et ensuite à France Inter, pour que les gens comprennent bien, la perpétuité réelle existe en France, la preuve, Georges Ibrahim Abdallah. C'était en 2016. Et c'est ça, en plus, en 2016. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans déjà, on disait... qu'il avait déjà fait perpète. Et depuis 2016, oui, ça fait 7 ans qu'il a déjà dépassé perpète. Donc tous les gens qui se réfèrent à la justice, normalement, ils disent « Ah oui, mais il est libérable depuis 1999 ». Tu vois, et libérable, mais ça ne veut rien dire, parce que la justice bourgeoise, elle adapte ses règles comme c'est bien parce qu'il les arrange et ça n'a rien à voir avec. Georges, il est passé 10 fois, 15 fois devant les juges. Ce sont les juges qui condamnent. Donc, il ne faut pas demander justice pour Georges. Il faut demander sa libération. Ouais. Et c'est un combat politique et rien d'autre. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. C'est la jungle des luttes. Et on fait une petite pause musicale. يشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد سندك ندك الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو من نار النار ونذق ندق الأسوار نستلهم ذاك الغار ونعيد إلى الدار الدار نمحو من نار النار فالقصد فالقصد أبواب أشراس تبرع قد دم الأحرار Point 3, on est toujours donc sur FPP dans la jungle des luttes avec Barbel et Jérôme. On parlait donc de Georges Ibrahim Abdallah qui donc est dans sa 40e année d'emprisonnement. L'injustice, on vient d'en parler, est flagrante. Donc il y a pas mal de bruit à faire pour demander sa libération. Et donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, on peut se demander justement, puisque c'est quand même complètement ahurissant, mais en tous les cas exceptionnel aussi, comment on fait pour vivre. Enfin, comme vous avez l'occasion de voir régulièrement Georges en prison, comment on en arrive à vivre 40 ans en prison et donc plus de temps en prison que dehors. Et donc, on pense à cette personne aussi dans son intimité, dans comment on vit, on survit. Je serais assez curieuse de savoir comment vous pouvez justement, ce que vous pouvez partager avec lui et nous donner aussi de ses nouvelles pour qu'on puisse s'imaginer. Alors, Georges, c'est quelqu'un de... Comment on peut dire ça hein? Pour moi, c'est un grand révolutionnaire, vraiment un personnage... très surprenant, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui n'a pas arrêté de se battre aussi en prison. Il a participé à toutes les luttes, il a été solidaire avec les prisonniers palestiniens, avec les autres prisonniers. Donc il suit vraiment ce qui se passe dans le monde entier Et donc, il n'a jamais arrêté de se battre. Et je pense que c'est ça sa force. Et c'est ça qui le maintient debout. Et c'est ça que les ennemis supportent pas du tout. Et c'est ça, quelqu'un qui reste derrière ses, ou qui garde ses convictions et qui ne cède pas, qui ne regrette rien de son passé. Et tout ça, c'est vraiment la force du combat qu'il représente, lui, et qu'ils veulent casser. Et c'est quand même cette force et de pouvoir continuer à se battre en permanence qui le maintient debout. Et en plus, c'est quelqu'un qui, je dirais, qui a vraiment un rythme très, très clair, très strict pour lui-même. Donc, vraiment structuré, une journée très structurée. Il fait du sport, il lit, il écrit. Il reçoit énormément de courriers maintenant. Tous les jours, ils viennent avec quasiment une caisse entière avec du courrier pour lui. Donc, c'est lui qui reçoit le plus de courriers de toute la prison, donc même plus que l'administration pénitentiaire en tant que telle. C'est pour lui. Voilà. Et il répond, il écrit. Ouais, parce que c'est effectivement, il est emprisonné en France, mais c'est un prisonnier qui est connu dans le monde entier. Puisque c'était un engagement politique de l'ordre de l'extrême gauche. Et donc, il y a eu quand même des retentissements. J'imagine que son courrier, il est du monde entier. Moi, je me rappelle, en tous les cas, que j'ai entendu parler de lui en 86. Et quand je vous ai rencontré l'autre fois, c'est justement ce que je disais. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de lui en 86, l'année de, justement, sa condamnation. Moi, c'était un peu mon début du militantisme, si on va dire, enfin, si on peut dire. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais un peu perdu de vue, mais la dernière fois, au 1er mai, j'ai vu une belle banderole avec le nom de Georges Ibrahim Abdallah et un portrait. Je me suis dit, bien sûr, faut pas oublier, parce que malheureusement, les injustices s'accumulent. Mais donc, du coup, je suis contente de pouvoir... Et on le salue, d'ailleurs. On espère qu'il nous écoute, évidemment. Cette force... Là. Oui, effectivement, là, ça a été le grand travail qui a été fait par les différents collectifs, c'est de rendre à nouveau visible Georges. Parce qu'au départ, on ne savait plus qui il était, le nombre de fois qu'on entend encore dans les manifestations, « Ah, Georges Abdallah, je le connais bien, mais il est toujours en prison, il est en France. » Donc même des gens de notre âge, les 60 ans et plus, qui était contemporain à cette histoire, ne savent pas aujourd'hui ce qu'il en est. Donc ça, c'était vraiment un combat important. Ce qui était étonnant au départ, mais ce qu'il a fallu faire, c'est rappeler que Georges était communiste, puisque l'administration pénitentiaire considérait « Oh, c'est un arabe, donc il est sûrement musulman, il est sûrement islamiste », enfin, tous les amalgames qu'on peut faire. Donc ça, c'est réaffirmer cette identité. Et comme disait Birbal, ce qui fait tenir Georges, ce qui fait que c'est un grand personnage, c'est son identité politique. Ce qui le fait tenir, c'est de lutter pour la Palestine. Ce que dit Georges, c'est ma libération. Il y a des milliers de Palestiniens qui sont emprisonnés. Donc, si je suis libre et qu'il reste des prisonnières politiques en Palestine, ça ne veut rien dire. Et si je suis libre et que la Palestine n'est pas libérée, ça ne veut rien dire aussi. Il est vraiment dans cette position-là. C'est-à-dire que c'est un combat politique. Donc, de même, la libération de la Palestine, c'est un combat global, c'est symbolique, mais c'est vraiment la lutte contre l'impérialisme et contre le colonialisme. Donc, c'est ça qui fait tenir Georges, qui fait que il subit de jour en jour des attaques. Les conditions sont des conditions classiques dans une centrale, c'est pas plus dur qu'ailleurs, et il le dit lui-même aussi, c'est « je suis pas en prison en Israël et je suis pas en prison en Turquie ». Mais il y a toute cette violence étatique qui est là pour tous les prisonniers, hein. Et ça, c'est difficilement supportable. Il faut se rappeler qu'en 2013, la radio disait « Monsieur Abdallah est libre, on lui donne son passeport », ils étaient en train de lui refaire son passeport, et... Une demi-heure après, on lui dit « Non, vous restez, vous vous rendez compte de la violence psychologique ?» Et alors donc, justement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, alors qu'est-ce qui s'est passé, justement? Parce qu'il y a eu, justement, en 99, il aurait dû être libérable. Enfin, il était libérable, puisqu'on parlait des 15 ans de sûreté. Mais donc il fait une première demande en 2001. ou de la 12e, enfin il y a tellement de demandes. Mais... Et le tribunal de Pau dit « Ok, on vous accorde votre libération, vous avez fait 17 ans de prison, c'est ok ». Sauf que là, grand scandale, il y a le ministre de la Justice déjà à l'époque, M. Perben, qui intervient à l'Assemblée nationale en disant « Non, non, on fait appel de suite ». Et on va changer la loi. Ça ne sera plus un juge de Pau ou d'autres. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être des professionnels. Pour les libérations conditionnelles, ça sera des juges antiterroristes. Une autre, à Paris, comme ça, ils sont sous contrôle. À chaque coup, ils changent la loi pour Georges. C'est quand même faramineux, c'est fantastique. Donc, libération refusée. Ensuite, il y a X demandes qui sont toutes refusées. Il n'y a pas de repenti, alors que jamais une condamnation est associée à un repenti. C'est une notion religieuse, le repenti. Ce n'est pas une notion de droit. Et en 2013... c'est 2013-2014 ou 2012-2013 2012, il refait une demande énième. Et là... En première instance, c'est « Ok, on autorise votre libération sous réserve d'un arrêté d'expulsion ». Bien sûr, il y a appel. Et là, pour la première fois, en appel, ils disent « Ok, on accepte votre libération sous réserve d'un arrêt d'expulsion ». Et donc là, les radios annoncent la libération de Georges. On dit à l'avocat « Vergès, descendez à Lannemezan ». Enfin, tout est prêt. Pour accueillir Georges à l'extérieur. On fait faire un passeport à Georges. Enfin, bon, voilà. Et là, oh, coup de semonce. Ah non, on fait re-appel sur appel. Il n'y a pas d'arrêt d'expulsion. C'est pas possible. On bloque tout. On va en cassation. La cassation dit « Oui, de toute façon, il n'y avait même pas de conditionnel. On annule tout ». Et notamment parce que M. Valls, ministre de l'Intérieur de l'époque, a refusé, ou non, il n'a même pas refusé, il n'a pas donné un avis d'expulsion. Ce qu'on a appris, c'est qu'à ce moment-là, en même temps, il y avait Fabius, l'ancien Premier ministre, l'actuel président du Conseil constitutionnel, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères. Il doit téléphoner à Hillary Clinton, qui était aussi l'équivalent, en disant « On a besoin de vous au Mali, on a besoin de surveiller les terroristes avec des avions particuliers. » Et la première chose que dit Hillary Clinton, c'est « Attendez, vous avez Georges Abdallah que vous allez libérer, et c'est écrit hein, dans les rapports officiels, trouvez le moyen de garder Georges Abdallah en prison de manière légale. » Et « Ah, il n'y a pas d'arrêt d'expulsion. » Et voilà, toute l'histoire de Georges, et de cet ordre-là. Et donc aujourd'hui, il y a toujours des pressions énormes des États-Unis pour que Georges ne soit pas libéré. Ouais, c'est pas seulement le sort qui s'acharne, c'est des vraies volontés politiques. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, on en est où? Alors, 2023, 10 ans après, il y a eu des tentatives entre-temps ou... Alors, 2013, il y a cette histoire complètement folle. Ensuite, son avocat Vergès décède. Donc, c'est Jean-Louis Chalancet, un autre avocat, qui prend la relève, qui fait une première demande. Et là, c'est pareil à chaque coup. Maintenant, on lui dit « Votre demande est irrecevable ». C'est-à-dire que rien que le fait de demander, non, c'est irrecevable puisqu'il n'y a pas d'arrêt d'expulsion. Mais sauf que ce n'est pas Georges, ce n'est pas son avocat qui vont faire sa demande d'expulsion. Ouais. Et donc, ça a été devant le tribunal administratif en disant, mais comment on fait? Et la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, ça, ce n'est pas le genre de truc qui... au bout d'un moment, parce que... Non, ce que fait déjà la Cour européenne des droits de l'homme, tant que ce n'est pas 50 ans, ils trouvent que les peines, c'est de l'ordre du possible. Et ce que ne fait, de toute façon, la Cour européenne, si vous avez une condamnation... ça va être de donner des sous, en disant on indemnise. Et en plus, s'il donne des sous à Georges, ça va être piqué pour les soi-disant ayant droit des victimes. Donc ça ne sert à rien, la Cour européenne des droits de l'homme. À part un symbole, ça n'obligera pas de libérer. Oui, mais je pense que ce qui est difficile là-dedans, c'est toujours la Cour européenne des droits de l'homme. Il regarde juste si... une condamnation est selon la loi. Mmh. Et vu que l'État bourgeois, à chaque fois, change la loi, donc ça correspond quand même à la loi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Non, mais comme du coup, normalement, effectivement, il n'y a pas de perpétuité en France, au sens de perpétuité, enfin, du coup, ça, par rapport à la question des droits, je pense que ça, bon, après, ça veut, enfin, c'était pas pour dire que c'était la solution. Non, non, non, non. C'était plutôt pour discuter parce que ça interpelle quand même beaucoup le fait qu'on puisse laisser cette personne enfermée malgré. C'est pas le débat de là, mais la notion de perpétuité et la différence entre la perpétuité et des cas comme Georges qui font des longues peines, c'est des, mais eux, ils ont la possibilité de faire des demandes de libération. Après, la justice peut dire non, mais c'est la grande différence entre une perpétuité réelle, en disant t'as pas le, tu fais rien, et le cas présent, fais les demandes. C'est la démocratie cause toujours. Donc aujourd'hui, la situation, c'est que Georges, il devrait faire une demande, mais faire une demande tant qu'il n'y a pas un signe de l'État en disant bon, là, ça y est, ça va être recevable. Là, la réponse, c'est irrecevable. Pourquoi faire une demande si le dossier arrive sur la table, c'est irrecevable, ça sert à rien. Donc, soit l'État dit ça y est, on donne. Oui, donc faut faire la pression point barre la sur pression, l'État, parce que c'est que politique en fait. C'est ça. Je veux dire. Et depuis des années, il y a quand même dans plein de pays, il y a régulièrement des manifestations, des rassemblements pour demander sa libération. Jusqu'à présent, on n'a pas eu encore assez pu développer assez de force pour avoir le rapport de force qu'il faut pour que ça se décoince. Oui, parce qu'au Liban, toutes les forces progressistes demandent la libération de Georges. Le gouvernement est même prêt à dire Georges peut rentrer au pays. En Palestine, c'est un personnage. Quand Georges fait une déclaration en Palestine, c'est écouté, c'est lu, il y a des banderoles demandant sa libération. Donc voilà, c'est vraiment une figure. Et c'est aussi ça qui fait peur à l'impérialiste. Et on ne peut pas libérer une personne de cet ordre-là, qu'on ne peut pas accuser de terrorisme et tout. Il a été condamné pour complicité. Donc même ce qu'on lui reproche, mais c'est ridicule. Et donc il faut des signes extérieurs, il faut et c'est pas en demandant toujours des dossiers. C'est très dur en plus de faire une demande. Hein. Il faut passer à un centre national d'observation. Enfin c'est pas juste écrire un courrier. Donc si dès le départ tu sais que ça va pas aboutir, voilà. Donc oui, effectivement, la mobilisation, c'est continuer à le faire connaître. Là, il y a 28 députés, NUPES, beaucoup de France Insoumise, 5 communistes qui viennent de signer une tribune en disant « on demande la libération ». Tout ça, c'est important. Il y a un an, c'était 400 personnalités. Il y avait des gens comme Angela Davis, Mumia Abou-Jamal qui avaient signé, et puis des gens, je ne vais pas tout citer, d'où en France. Donc ça, c'est important, mais à un moment donné, il faut que ça devienne un vrai sujet central et pas de temps en temps quelque chose de secondaire. Ça devient des coups d'épée dans l'eau après, à force. Après, aujourd'hui, il y a des banderoles partout, dans des lieux pas possibles, on voit des autocollants ou des affiches, des gens qui, à 10 ans, disaient non, non, on ne soutient pas Georges parce qu'on ne connaît pas trop l'histoire, sont en première ligne en disant c'est important. Donc ça a bougé. Quoi. Et puis, en plus, comme dit Birbal, l'administration a décidé de donner les parloirs quasiment à qui demande, mais donc Georges a la possibilité de voir plein de gens, mais dès que quelqu'un va le voir sans trop connaître, tombe sur le charme humain, politique, voilà, c'est un grand personnage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, là, avant de se quitter, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs et à nous-mêmes est-ce qu'il y a un collectif? Est-ce qu'il y a des... Donc là, on est enregistré un peu en avance. Donc normalement, il y a une manifestation le dimanche 18. Donc normalement, on espère qu'il y aura beaucoup de monde. Au moment où on enregistre, voilà, ça sera ce soir. Il y a un rassemblement Place Vendôme aussi, pas très loin de l'ancien ministère de la Justice. Sur Paris, il y a un collectif qui s'appelle Campagne Unitaire pour la libération de Georges Abdallah. Il y a un site, Libérons Georges. Vous tapez Libérons Georges en un seul mot dans un moteur de recherche, vous le trouvez. Il y a un Facebook qui s'appelle Free Georges Abdallah. Et puis après, dans d'autres endroits, sur Toulouse, il y a un collectif qui est très actif, qui s'appelle Palestine Vaincra. Vous avez des gens à Bordeaux, à Marseille, enfin c'est...

Alors on parle bien souvent des luttes, évidemment, c'est la jungle des luttes, et souvent également de ce qui se passe au Mexique et notamment au Chiapas avec les apatistes qui sont en lutte déjà depuis 30 ans quasiment. Et dernièrement, on avait plutôt, ou même déjà depuis des années, plutôt parlé de ce que les apatistes proposaient, des rencontres, des initiatives, comme la dernière, le voyage pour la vie. Mais là, donc, ils ont été attaqués une nouvelle fois, et donc ils ont fait cette fois-ci une déclaration, ce qui, du coup, nous interpelle, et a amené un certain nombre de personnes à se mobiliser. Donc on en parlera à la fin, mais donc justement on va peut-être un peu parler de ce qui se passe dans les communautés, puisque les communautés zapatistes, ce sont donc des paysans indigènes qui se sont soulevés le 1er janvier 1994 dans une guerre contre l'État et le capitalisme, et donc aussi la propriété des terres et surtout la réforme de l'article 27 de la Constitution, qui était un acquis de la révolution menée par Zapata au début du XXe siècle. Et cette modification de l'article de la Constitution plutôt a été une condition pour que le Mexique rentre dans le traité de libre-échange Canada, États-Unis et donc Mexique, traité de libre commerce. Et l'une des conditions était donc justement la réforme de cet article. Cet article étant la possibilité donc d'avoir une propriété sociale et collective. Et donc, on n'est pas dans le privé, on n'est pas dans le national, mais donc dans une propriété collective des terres qui sont donc avec un usage et une transmission de génération en génération, et donc une impossibilité de le vendre. C'est la base. Avec cette réforme, les parcelles que possèdent les différentes familles peuvent être maintenant mises à la vente, ce qui évidemment crée pas mal de déséquilibre et aussi la fin d'un acquis de la révolution, évidemment. Donc la réforme de cet article, ça a été le point de qui a fait que les apatistes organisés depuis 10 ans, plutôt pour se défendre contre les grands propriétaires terriens, se sont organisés pour passer à l'offensive, donc ce fameux 1er janvier 94, jour de l'entrée dans l'ALENA. Et c'est aussi l'occasion pour eux de justement prendre des terres. Donc les apatistes ont pris un grand nombre de terres, dont l'acquisition était non pas pour eux seuls les apatistes, mais pour les paysans qui n'avaient pas de terre. Alors évidemment, il y aurait plein de choses à expliquer, mais ça va être évidemment trop long. Mais donc, ces grands propriétaires qui ont vu leurs terres appropriées par les apatistes ont été dédommagés par le gouvernement, par l'État. Mais évidemment, ces terres n'ont pas de titre de propriété de fait. Dans la vision zapatiste, la terre appartient à celui qui la travaille, donc il n'y a pas besoin d'une titularisation, d'un titre qui serait émis par le gouvernement et les institutions. Donc cette prise de terre a été donc en partage, et de fait, il y a eu des discussions entre des zapatistes et des non-zapatistes pour occuper ces terres et les travailler, évidemment. Donc quand on raconte ça comme ça, on a l'impression que tout a été facile, que tout s'est passé en toute tranquillité. Évidemment que non. Dans un premier temps, quand ils ont déclaré la guerre, évidemment que l'État fédéral a réagi, militairement évidemment. Et par contre, les Mexicains ont aussi réagi et ont permis une signature du cessez-le-feu le 12 janvier, la même année, 1994. Et évidemment, la militarisation du Chiapas a été évidemment très importante, et la mise en place d'une politique de contre-insurrection a été de mise pendant des dizaines d'années. Donc, politique de contre-insurrection, ça veut dire harcèlement, contamination de l'eau, incendier les cultures. Ça signifie aussi la pression sur les non-zapatistes pour qu'ils mettent à leur tour la pression sur les zapatistes. Et c'est aussi en toute impunité que des groupes paramilitaires donc viennent attaquer, selon les périodes, certaines zones zapatistes. Dans la zone de Las Cañadas, c'est un groupe que l'on connaît bien, c'est l'Orcao, puisque justement ce groupe paramilitaire, au départ un groupe de caféiculteurs, mais qui est devenu une organisation politique armée finalement. Et donc dernièrement, ce groupe a encore donc sévi, puisqu'il y a un compasse qui a été blessé très grièvement par balle par ce groupe, l'Orcao. Et donc l'enjeu, c'est bien les territoires zapatistes, c'est-à-dire que les territoires zapatistes, c'est pas d'un seul tenant, ça on l'avait déjà signalé pour ceux qui connaissent les zapatistes ou qui nous ont écoutés. Et donc il y a des territoires plus ou moins unifiés, des territoires zapatistes plus éloignés les uns des autres, et donc la zone dans laquelle il y a des conflits directs sur la question des territoires, c'est bien évidemment là où les territoires ont été récupérés, où des terres ont été prises, et essentiellement dans Las Cañadas, donc justement. Si donc, les tentatives de l'État fédéral ou de l'État, puisque c'est une république fédérale, le Mexique, ou de l'État du Chiapas, les tentatives de faire tomber les zapatistes, les tentatives de créer des conflits au sein des communautés, les tentatives donc d'en finir politiquement avec les zapatistes, donc à travers ce qu'on appelle classiquement la politique de contre-insurrection, sachant que tout ça n'y faisait rien et que les zapatistes continuaient à grandir, même si des compas sortaient de l'organisation, d'autres y entraient. Et donc, il y a eu une politique, ou en tous les cas, d'autres moyens mis en œuvre pour tenter d'en finir avec les zapatistes, qui passent par une injection d'argent dans les communautés à travers différents projets, où on a pu donc leur mettre des sols en ciment pour qu'ils ne soient plus sur les terres battues, pour acquérir une sorte de confort. Puis on est même venu à carrément leur construire des maisons. Et donc ça crée aussi des conflits au sein des communautés, puisque la résistance zapatiste permet d'améliorer les conditions de vie des écoles, la santé, mais pas d'enrichissement évidemment. Et donc certains compas se sont fatigués, comme ils disent, de vivre en plein ce processus politique qui demande énormément d'efforts et une résistance à toute la violence qui s'abat sur les communautés de différentes façons, comme on le disait, sur les territoires, selon les territoires, selon les situations et le lien avec les autres membres de la communauté, puisque les communautés ne sont jamais entièrement zapatistes, ou en tous les cas, s'il y en a eu quelques-unes, il n'y en a malheureusement plus véritablement aujourd'hui, hormis sur les territoires où ils ont récupéré des terres et créé des communautés propres qui n'existaient pas avant 94, et auquel cas, comme ça a été créé à partir de 94, ces communautés entièrement zapatistes, si t'es plus zapatiste, tu sors de la communauté. Sur ces territoires, c'est un peu les seules situations où on peut trouver des zapatistes, des communautés uniquement composées de zapatistes. Mais donc voilà, les différents projets, là encore, font que les zapatistes n'ont toujours pas disparu. Et les attaques se sont en parallèle toujours données par des différents groupes paramilitaires. Il n'y a jamais eu une réelle baisse de la violence liée aux paramilitaires. Et puis donc il y a aussi la tentative d'en finir avec les zapatistes en lançant un programme de titularisation de ces fameuses terres qui donc étaient sans titre. Et l'enjeu, c'était de récupérer les territoires zapatistes. Et donc, effectivement, un certain nombre de personnes sont allées auprès des institutions pour titulariser des terres sur lesquelles ils ne sont pas. Des terres travaillées par les zapatistes, évidemment. sachant que eux ne feraient jamais la demande de titularisation des terres. Donc il y a eu des conflits, évidemment, des conflits ouverts à propos de ces titres avec les apatistes qui ont réussi à dialoguer plus ou moins bien avec les personnes concernées. Il y a eu des territoires que les apatistes ont perdus aussi, également. Et donc, à ce jour, finalement, la situation est plutôt en train de s'envenimer puisque les relations avec leur chaos sont devenues impossibles, le dialogue est devenu impossible, sachant qu'avant, il y avait justement, comme je disais, cette possibilité de discuter, sachant que eux avaient récupéré des terres, n'avaient pas pris toutes les terres, mais en avaient distribué à d'autres. Il n'était pas question que eux perdent les terres sur lesquelles ils vivaient. Et leur chaos a pris de plus en plus de puissance et de force. Des années d'impunité, aujourd'hui il paraîtrait même qu'ils seraient plutôt en mesure d'influer sur les politiques et non pas seulement être couverts. Et leur chaos semble avoir décidé de passer véritablement à l'offensive et c'est la raison pour laquelle probablement donc les compasses, les apatistes ont mentionné cette attaque, sachant que, comme je le disais, il y a eu plein d'autres attaques qu'ils ne dénonçaient pas. D'ailleurs, ils avaient dit à une époque, on est attaqué de partout, diffamé, mais on peut plus perdre de temps à dénoncer et à aller contre toute cette campagne. Et on va se concentrer surtout sur la construction de l'autonomie et la construction d'un front anticapitaliste, politique, etc. Donc vraiment être dans se focaliser sur on avance et on reste pas justement tétanisé par toutes ces attaques. Il se trouve que là aujourd'hui ça commence à devenir difficile et donc il y a eu une déclaration nationale et internationale qui a été faite pour condamner cette guerre faite aux communautés apatistes. Et donc, je vous propose qu'on la lise. Et voilà, si vous êtes intéressé par la situation au Chiapas, vous pouvez consulter le site du CSPCL et puis nous suivre et vous solidariser où que vous soyez, et vous vous intéressez à ce qui se passe, et vous mobilisez. Dernièrement, là, il y avait eu une demande d'action de fin mai jusqu'au 10 juin, et avec une journée globale du 8 juin, un appel global, c'est-à-dire que tous en même temps, on fasse une action. Donc il y a eu une action qui a été faite à Paris, aux abords du consulat du Mexique. Il y a eu donc plein d'initiatives, évidemment au Mexique, mais à New York, à Bilbao, Madrid, etc. Donc on va lire cette déclaration. Déclaration nationale et internationale contre l'agression de la communauté Moïsès Gandhi. Juin 2023. Au peuple du Mexique et du monde, aux personnes, collectivités et peuples qui défendent la vie, à ceux qui sentent l'urgence face à un sud-est mexicain en flammes. Aujourd'hui, en ce moment, le Mexique est à la limite, à cette limite qui paraît toujours lointaine jusqu'à ce qu'une balle qui arrive d'en haut et déclenche la rage du Mexique d'en bas. Le compagnon zapatiste Jorge López Santis est entre la vie et la mort suite à une attaque paramilitaire de l'organisation régionale de producteurs de café de Cocingo Orcao, la même qui n'a cessé d'attaquer et d'harceler les communautés zapatistes. Le Chiapas est au bord de la guerre civile avec des paramilitaires et les tueurs à gages des divers cartels qui se disputent la place et les groupes d'autodéfense, et avec la complicité active ou passive des gouvernements de Rutilio Escandón Cadena et Andrés Manuel López Obrador. L'armée zapatiste de libération nationale, le ZLN, qui a maintenu la paix et a développé un projet d'autonomie sur ses territoires, et qui a essayé d'éviter le choc violent avec les paramilitaires et les autres forces de l'État mexicain, est harcelé, agressé et provoqué constamment. Depuis la fin du XXe siècle et jusqu'à présent, le ZLN a choisi la lutte politique via des chemins civils et pacifiques. Bien que les communautés soient attaquées par balles, leur culture incendiée et leur bétail empoisonné, même si au lieu d'investir leur travail dans la guerre, elles ont levé des hôpitaux, des écoles et des gouvernements autonomes, dont bénéficient les zapatistes et les non-zapatistes, les gouvernements, depuis Carlos Salinas jusqu'à López Obrador, ont essayé de les isoler, de les délégitimer et de les exterminer. Aujourd'hui, à quelques mois de l'anniversaire des 40 ans de la lutte de l'EZLN, l'attaque paramilitaire de leur chaos a fait que la vie d'un homme pend à un fil, le même depuis lequel pend l'irruption du Mexique qui en bas ne supporte plus la pression contre sa dignité, ni la guerre contre ses communautés et territoires. L'attaque de leur chaos n'est pas un conflit entre communautés, comme le caractérise Carlos Salinas et comme certainement prétendra le faire López Obrador. Cette attaque est de la responsabilité directe du gouvernement du Chiapas et du gouvernement fédéral. Le premier qui dissimule l'accroissement des groupes criminels, ce qui fait que le Chiapas passe d'une relative tranquillité à devenir un feu rouge de violence. Le second qui garde le silence et la passivité face à l'évidente situation dans le sud-est. Pourquoi leur chaos attaque les communautés zapatistes? Parce qu'ils le peuvent. Pourquoi le gouvernement de Rutilio Escandón le permet? Parce que dans le Chiapas d'en haut, gouverner signifie se laver les mains avec du sang indigène. Pourquoi López Obrador garde-t-il le silence? Parce que le gouverneur du Chiapas est le beau-frère de son très cher secrétaire de gouvernement, Adán Augusto López, et parce que, comme tous ses prédécesseurs, il ne supporte pas qu'un groupe rebelle soit le référent de l'espoir et de la dignité, et parce qu'il a besoin de justifier une action militaire pour laver le Sud-Est et pouvoir ainsi imposer ses méga-projets. Nous entendons également cette attaque comme le résultat des politiques sociales du gouvernement actuel qui cherche à diviser et à corrompre, en détruisant le tissu social des communautés et peuples de nos pays, et en particulier au Chiapas. Nous voyons avec beaucoup de préoccupation des programmes comme Sembrando Vida, Semant la vie, qui se caractérise pour avoir le même budget que celui du secrétariat de l'agriculture fédérale et d'autres similaires qui favorisent la confrontation entre communautés qui historiquement ont été spoliées de leurs terres et de leurs droits et qui sont utilisées comme des mécanismes de contrôle politique et comme monnaie d'échange pour que des organisations comme celle de l'ORCAO aient accès à des supposés bénéfices que ces mêmes programmes offrent au prix du vol des terres récupérées et autonomes zapatistes. Pour nous, il est clair qu'il ne s'agit pas de conflit entre les peuples, mais qu'il s'agit d'une action de contre-insurrection qui cherche à détruire le ZLN, comme toutes les communautés et les peuples qui continuent de lutter pour une vie digne avec dignité. Nous qui signons cette lettre, le faisons pour nous convoquer et convoquer celles et ceux qui croient que la dignité et la parole doivent se lever afin d'arrêter le massacre qui se presse. Pour convoquer celles et ceux qui communient avec le gouvernement actuel à ouvrir les yeux aux injustices qui inondent le présent de ce pays, bien plus loin de leur affinité ou sympathie politique, afin de pouvoir nous rencontrer dans la nécessité d'agir dans un but commun pour arrêter cette atrocité. Nous signons cette lettre parce que nous voyons l'urgence pour que cesse la violence paramilitaire au Chiapas, car ne pas le faire signifie laisser que le Mexique s'enfonce davantage dans cette guerre interminable qui le déchire. Nous exigeons que justice soit faite pour Jorge López Santis. Nous exigeons la dissolution absolue de leur chaos. Nous exigeons que le gouvernement de Rutilio Escandón soit enquêté en profondeur. Nous exigeons que le silence de López Obrador cesse d'être complice de la violence au Chiapas. Reprenant les exigences présentées par le Congrès national indigène, nous demandons 1. Que la santé du compagnon Jorge soit garantie et de lui accorder toute l'attention nécessaire et pour le temps nécessaire. 2. Que cesse l'attaque armée contre la communauté Moïsés Gandhi et soit reconnu son territoire autonome. 3. Que soient punis les auteurs matériels et intellectuels de ces attaques paramilitaires. 4. Que soient démantelés les groupes armés qui maintiennent la guerre active et croissante contre les communautés zapatistes. Nous exigeons également la liberté immédiate de Manuel Gómez, base d'appui de l'EZL, l'EN, dont nous n'oublions pas l'emprisonnement injuste. Avec le CNI, nous avertissons que la guerre qui a été déclarée au peuple originaire, gardien de la mère terre, nous oblige à agir de manière organisée afin d'arrêter la violence qui grandit et rétablir notre connexion et notre soin pour la vie. Nous nous appelons à nous manifester dans les rues, devant les ambassades et les consulats, les centres d'études et les lieux de travail, sur les réseaux sociaux et n'importe où où cela soit possible et indispensable, contre la violence militaire, paramilitaire et le crime organisé et pour la défense de la vie. Nous appelons et les appelons à unir nos efforts afin de tisser une journée d'action disloquée du 27 mai au 10 juin, avec une journée d'action coordonnée nationale et internationale le 8 juin. Pause musicale. Nosotros somos los hombres de la noche, los auxiles, los hombres murciélago. Nosotros podemos despedazar y desengrar a una unidad entera, hombre por hombre, uno al día. Durante mucho tiempo, durante muchos años, nadie va a ser el hombre de mí. Mostraron su rostro al mundo en siglos, fueron ignorados. Por ello sus rostros cubren como revolucionarios. El pueblo se ha levantado a defender sus libertades en contra de la opresión y las injusticias sociales. Muchos no aprueban tus actos, se llaman neoliberales. Pocos hacen lo que Marcos lo dijo, don Oscar Chávez. Y fue subcomandante y aunque te juzguen de loco, que nadie podrá callarte y hoy a nosotros tampoco. Políticos marcaron su afán de castigarte. Pregúntenle a la gente de Acteal, es humillante. En México para ustedes nuestros presidentes fingen furia, democracia, libre comercio reside, que la lucha por Chiapas hará sus tierras tangibles, los indígenas cosecharán un pueblo libre, por la sangre de tu gente ven en señales y diles, las ideas llegan más lejos que sus putos proyectiles. La lucha sigue, capitalismo no ha parado, historia con sus siglos opresores ha fallado, bien asimilado su concepto de control en plano, técnicas políticas enajenado no ha cambiado, retoma sustancia, colonia el hombre blanco, harto de la posición racial brutal hermano. 106.3 FPP, c'était la jungle des luttes, on se quitte et on se retrouve le troisième lundi du mois. Vous pouvez par contre nous réécouter la semaine prochaine, le jeudi matin, quatrième jeudi, de 8h à 9h30, ou bien consulter le blog sur lequel il y a la majorité de nos émissions, le blog La Jungle des Luttes. Merci Véro, Clo, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain. Merci, ciao, la lucha sigue. ¡Vamos! ¡Vamos!